Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1. Nous, c'est Gentiane La France, moi, et Myriam Leland, ma co-animatrice. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Gentiane. Et on débute l'émission avec une entrevue que tu as menée, toi, Myriam, avec Audrey Demers-Roberge. Exactement. Donc, Audrey, je l'avais rencontrée le 3 juin dernier par Zoom. Ce sera encore par Zoom cette fois-ci pour parler, entre autres, de sa résidence au Sénégal. Et c'est un peu en continuité avec ça qu'on se parle cette semaine. C'est à propos de sa coproduction à la bande vidéo où elle réalise une installation vidéo avec des images justement qu'elle a récoltées lors de sa résidence au Sénégal avec une danseuse et un danseur qui mélangent danse contemporaine et danse traditionnelle sénégalaise. Donc, c'est très intéressant. Oui, j'ai hâte de vous entendre. Oui, puis en deuxième partie, c'est notre chroniqueur de la semaine, Mathieu Bouchard, qui nous partage ses impressions à propos de l'augmentation numérique dans l'exposition Turner et le Sublime, présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. J'étais revenue un peu sur l'exposition. Je l'avais visitée là, dès la première semaine de réouverture, mais j'avais tellement parlé, on n'avait pas eu le temps de passer justement par-dessus ces expériences immersives-là créées à partir d'augmentation numérique, justement. Donc, Mathieu Bouchard nous parle de ça. Et ce soir, Gentiane, c'est toi qui s'est amusée à nous faire une sélection musicale. Oui, je vous propose de découvrir quelques extraits du nouvel album de Bel Orchestre House Music qui est sorti en mars dernier. Là, c'est encore tiède. Et puis, le groupe instrumental de Montréal n'avait rien sorti depuis 10 ans. Donc, on retrouve cette espèce de densité musicale pleine de cordes. On retrouve aussi leurs improvisations intenses dans cet album qui a été enregistré dans un chalet où chaque musicien et musicienne jouait dans une pièce séparée. Donc, on va commencer avec un extrait de la pièce 2, House. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro, et je suis accompagnée d'Audrey Demers-Roberge. Bonsoir Audrey. Allô Myriam. Donc, Audrey, tu deviens une habituée à l'émission. On t'a reçu déjà il y a 2 semaines pour parler d'un autre projet, de ce dont on parle ce soir. C'est Gentiane qui t'avait passé en entrevue pour ton projet avec Sarah Leroux. Puis, ce soir, on avait envie de te re-recevoir pour parler de ton projet en collaboration avec la bande vidéo qui s'intitule Les rythmes naturels. Donc, je te lancerai tout de suite. Qu'est-ce que c'est le projet Les rythmes naturels? Oui, OK. En fait, je suis en train de faire le montage puis de créer une installation vidéo qui va être formée de 3 projections simultanées dans l'espace, un peu comme tout autour de l'expérience du visiteur, puis qui va totaliser environ 15 minutes, 15 à 20 minutes. Les rythmes naturels en tant que tels, c'est du matériel vidéo et audio que j'ai capturé lors de ma résidence à Saint-Louis au Sénégal en janvier-février 2020. Ouais, Oui, c'est c'est ça. On s'était parlé l'été dernier, le 3 juin, à l'émission du 3 juin dernier. J'ai été fouillée dans nos archives pour parler justement de cette résidence-là où tu avais pris plusieurs photos, tu avais récolté beaucoup de matériel, tu avais aussi exploré l'univers de la danse traditionnelle africaine voyons, sénégalaise, pardon. Mais aussi mélangé à la danse contemporaine, puis c'est ça qu'on retrouve dans les rythmes naturels. Oui, donc c'est vraiment le montage des performances. J'ai choisi 2 danseurs. Je voulais une femme et un homme. J'ai choisi Jules Romain Diounouk et Gamou Touré, qui sont des habitants de Saint-Louis, des locaux. Je les ai invités à performer dans des lieux que j'ai sélectionnés, que je trouvais quand même assez symbolique, là, sur le bord de la plage, proche de l'océan, puisque Saint-Louis, c'est une ville de pêcheurs, et puis aussi sur le fleuve Sénégal asséché. On était dans la période sèche, puis je leur ai demandé, dans le fond, de performer dans ces lieux-là avec un percussionniste, Mayoro Samb, qui est un griot, qui est une caste ou, comment dire, traditionnellement un rôle dans la société qu'on va comprendre un peu dans l'installation vidéo. Parce que dans cette installation vidéo-là, le fil conducteur ou la narration entre tous ces univers-là, c'est comment dire, un audio. Une espèce de transmission de savoir de Yama, Ndeye Yama Diouf, qui est une grande danseuse de Sabor qui habite aussi en France. Donc, on a fait ça à distance, en Zoom, on a fait des rencontres privées, puis j'ai posé beaucoup de questions, puis elle m'a expliqué le Sabor, en fait. Le sabar, c'est un type de danse traditionnelle sénégalaise. Oui, c'est une des danses traditionnelles danser au Sénégal. Fait que l'ensemble de mon œuvre va tourner autour du sabor, mais il y a plein de trucs là, rhizomatiques autour de ça là, qui découlent de ça. Il y a même un peu de breakdance aussi parce que Jules, en tant que tel, est aussi un b-boy qu'on appelle ou un breaker. Fait que je leur ai laissé une certaine liberté aussi dans leur performance pour improviser, là. Ok, t'as sélectionné surtout l'environnement. On peut dire que tu étais comme la directrice photo de ces vidéos-là et c'était eux qui improvisaient un peu la performance dansée. J'ai comme un peu créé cet environnement propice-là, dans le fond, en sélectionnant toutes ces personnes-là, puis en les amalgamant. Puis je trouvais ça super important de laisser vraiment beaucoup de liberté à leur danse parce que moi, je suis pas une vraie danseuse, je suis pas non plus une chorégraphe. Fait que c'était important pour moi que ce soit spontané, puis que, en fait, j'ai l'impression que si je devais diriger l'ensemble de la chorégraphie, ça n'aurait pas d'authenticité, en fait, cette danse-là. Tandis que c'est eux qui détiennent les codes, c'est eux qui ont leur propre rythme, puis... Oui. Ben, il y a aussi, j'imagine, le fait que ben, tu es une étrangère blanche qui vient filmer au Sénégal. Ça aurait été un peu drôle, pour faute d'autres mots, que tu sois la personne qui chorégraphie de la danse sénégalaise. Ben, tu sais, qui sait, tout est possible, Oui, c'est sûr. mais personnellement, c'est vraiment pas mon rapport tout court à la culture africaine, puis pas du tout mon rapport à la danse non plus. Tu sais, moi-même, je l'expérimente, j'apprends, mais j'aime bien regarder ce côté-là de moi. Ce qui est ma spécialité, c'est les arts visuels. Je vais pas complètement. Je veux découvrir cet univers-là, puis le démontrer aux gens, en fait, pour qu'ils puissent le découvrir aussi. Fait que Ouais, c'est vraiment en mode collaboration, là. ouais, vraiment, c'est là que, tu sais, parfois, il y a peut-être un aspect un peu documentaire à cette installation vidéo-là, mais au final, les choix restent les miens, tu sais, puis ça crée vraiment un projet ou une ambiance particulière, en fait. Puis aussi, il y a le fait que ces danses-là, de ce que j'ai pu lire, de ce dont on a pu parler l'été dernier aussi, c'est que c'est des mouvements qui sont inspirés de la vie quotidienne de cette région-là, du Sénégal. Parce que, comme tu disais, c'est une région, ben c'est Saint-Louis, c'est une ville, j'allais dire pêcheresse, peut-être, je les connais pas, mais une ville de pêcheurs. Mais c'est une ville très religieuse, là, ça c'est sûr. Mais oui, il y a beaucoup de pêcheurs à Saint-Louis. Mais en fait, c'est très complexe tout ça. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait affaire avec Yama. Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Sénégal différentes, donc beaucoup de langues, beaucoup de cultures, beaucoup de rythmes qui ont été inventés à partir de ça. Fait que telle danse a été inventée par les Lébous, telle danse a été inventée par les Diola. Puis moi, c'est comme beaucoup trop intense pour moi à démystifier, là. Donc, Yama le fait dans l'installation vidéo, elle l'explique d'où viennent les rythmes. Puis c'est très intéressant parce que les rythmes viennent des femmes. Oh, c'est en effet très intéressant. Ben, on se laisse sur cette petite information qui pique notre curiosité. On va écouter une pièce toujours du Band Montréalais Bel Orchestre. Donc, c'est la pièce Dark Steel. Et au retour de la pause, on continue avec Audrey de Merci-Auberge. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et je suis toujours accompagnée d'Audrey Demers-Roberge. On parle de son projet Les rythmes naturels qui est un projet d'installation vidéo en collaboration avec la bande vidéo. Puis juste avant la pause, on parlait, Audrey, de tes conversations avec Yama au sujet de plein de choses parce que de ce que tu m'as dit, elle t'a communiqué plein de savoirs et de théories sur le mouvement, mais de ce que tu me disais, c'est pas tout à fait ça au Sénégal, le mouvement. Peux-tu me parler plus un peu de ce que Yama te mentionnait? Oui, en fait, on va avoir un audio là, qui va dévoiler tout son savoir sur le concept de mouvement dans la danse. Mais la chose qu'on avait nommée aussi, c'était la notion de rythme, puis oui. où les rythmes, d'où ils viennent, tu sais, d'où ils sont nés. Là, c'est quand même des rythmes assez vieux. Puis Yama m'expliquait que ça vient des femmes, puis de leur vie, du quotidien, en fait. Donc, quand ils vont, mettons, elles vont chercher de l'eau au puits, ou bien ils vont nettoyer les vêtements au fleuve, bien, souvent dans les tâches quotidiennes répétitives, ils avaient tendance à vouloir un peu se divertir. Fait qu'ils commençaient à taper des mains, puis comme ça, ils ont créé des rythmes. Puis même des mouvements, mais là, Yama ne serait pas d'accord avec moi au niveau du mouvement, mais ils ont aussi commencé à créer des mouvements en lien avec ces rythmes-là, puis ça a créé des rythmes puis des danses. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en par la suite, les griots, par exemple, dont on va en apprendre plus dans l'installation vidéo, vont mettre ça sur des tambours, puis rendre ça plus fini, dans le fond, faire une finition, si on peut dire. Puis ensuite, les hommes vont apprendre à danser ces rythmes-là, les femmes aussi. Mais à la base, ça vient des femmes. Puis tu me disais justement les griots, parce que pour ne pas porter à confusion, comme je te mentionnais, hors d'onde, pour moi, du griot, c'est un mets créole haïtien qui est absolument délicieux. Mais au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, que tu mentionnais, les griots, ce sont, pour faire court, là, des porteurs et des transmetteurs de savoir, mais un savoir qui est très holistique. Ce n'est pas comme les enseignants occidentaux, par exemple, là, c'est assez différent. Mais pour revenir sur la notion de mouvement, justement, on va tout de suite écouter un petit extrait que tu nous as fourni, justement, d'une conversation que tu as eue avec Yama. Expliquer que cette discipline sabar, tout est dans la respiration. Le mouvement n'existe pas. Hein? Quand je le dis, on move comme ça, des yeux, on me dit, ah oui, parce que chez moi, le mouvement n'existe pas. Chez moi, je ne connais pas le mouvement. Moi, j'ai connu le mot mouvement ici en Europe. Dans ma langue natale, on ne peut pas te sortir un mot en te disant ça signifie mouvement en français. On n'a pas ce mot. Nous, on a bougé. Yangu, ça s'appelle. Bouger, oui, on a bougé. Oui. Bouger. Je bouge avec ma main, de droite à gauche, je bouge. On n'appelle pas ça, nous, mouvement. Mouvement, c'est ici. Donc, moi, jusqu'en 1993, c'est ici que j'ai... À l'école, le mouvement de ceci, le mouvement de cela, qui n'était pas lié à la danse, parce que c'était professeurs autres qui ne sont pas danseurs qui me parlaient de mouvement. Mais c'est le mouvement lié à la danse et tout, c'est ici en Europe, que je l'ai entendu, hein, ici en Europe, oui, mouvement. Donc, merci Audrey de nous avoir fourni ce fascinant extrait audio qui va sans doute faire partie de ton installation vidéo. Justement, parlons-en, parce que là, jusqu'à maintenant, on a parlé surtout de la danse qui est une composante intégrante de cette installation-là. Mais il y a beaucoup de choses dans l'installation que tu es en train de préparer. Il y a ces vidéos-là de danse, il y a les extraits de Yama, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Parce qu'il y a une bonne superposition de plein d'éléments. Oui, physiquement, là, en faisant des tests de projection, ma vision s'est vraiment révélée être la bonne. Quand on a une projection grand format, Puis on est juste à côté des danseurs, on a vraiment l'impression d'être à côté d'eux, avec eux, sur place. T'sais. Moi, wow. L'ayant vécu, en ayant été là, je confirme, là, ça donne vraiment cette impression-là. Ça te refait vivre ces moments-là. Oui, un retour, un oui. Mais je pense que c'est effectivement aussi comment les gens vont se sentir à l'intérieur de ça, t'sais, très près des danseurs, comme s'ils étaient là. Ensuite, ben, au niveau du montage, j'ai créé des superpositions là, pour que les rythmes naturels, c'est pas juste comme la nature humaine qui a créé ces rythmes-là, mais aussi une inspiration de la nature ou comment la nature peut générer des émotions ou un rythme en soi. Donc, j'ai mis, par exemple, sur certaines images de danse qui peuvent être ralenties, des images de poissons qui frétillent. Des cactus, des fleurs, les quelques fleurs qui existent dans ce milieu assez subsaharien, donc plutôt semi-désertique, là. Fait que ça aussi, là, t'sais, comme si le danseur ou la danseuse se transforme un peu en cet élément naturel-là, là, ou répond à cet élément-là naturel. C'est vraiment en continuité avec ta pratique. D'ailleurs, ben, l'été dernier, on s'était rencontrés par Zoom aussi pour parler de ta résidence au Sénégal, mais qui avait comme résulté en l'exposition Symbiose. Puis il y a cette idée-là justement de symbiose entre l'humain et la nature. Puis c'est déjà quelque chose que tu explorais avant ta résidence au Sénégal aussi. Là, je pense à tes images de personnes rochées un peu avec des couvertures imprimées. C'est vraiment quelque chose que tu explores déjà. Hein? Oui, ben comme cette idée-là de se fondre à un environnement ou même se rapprocher d'un organisme naturel. Ça, c'est là depuis un certain temps. C'est juste que là, il y a comme une approche différente en amenant. Je me suis intéressée à ce qui, à mon avis, est important dans le médium vidéo, là, c'est-à-dire le rythme, le son. C'est des choses à travailler avec ce médium-là. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce projet-là, là, m'intéresser à ça. C'est comme une notion de plus, là, nouvelle dans ma pratique. Oui. Un ajout à ta pratique de photographie déjà bien, bien existante. Puis ça va, quand ce sera terminé, ou en tout cas quand ce sera prêt à être présenté, ça va être projeté à la bande vidéo? Non, pour l'instant, je suis encore juste au stade de production. Donc, c'est ça, là, tu sais, je suis en phase d'essayer de trouver une diffusion à ce projet-là. C'est sûr que, idéalement, dans mon monde idéal, j'aimerais ça qu'il retourne un peu au Sénégal aussi, que ça puisse être vu ou du moins juste à Saint-Louis avec les gens qui étaient concernés, mais... Je travaille là-dessus, je me donne du temps. Là. Ça peut prendre une couple d'années, ça va aller. Très certainement, il n'y a aucun problème avec ça non plus. C'est vrai que ça pourrait être vraiment intéressant de comme créer une discussion, que tu sois allé là-bas, d'avoir pris des images, de l'avoir retravaillé ici, mais toujours en conversation avec Yama, ouais, puis ensuite de le retourner là-bas. C'est aussi un phénomène que j'ai constaté sur place, que j'ai trouvé profondément triste. Il y a les gens qui performent, exemple, au château, là, c'est une résidence, bon, c'est des artistes en général, donc il y a beaucoup de danseurs, danseuses. Puis ça arrive souvent qu'ils se font faire prendre en photo par des touristes, puis les touristes ne se redonnent pas en retour. T'sais. Ils ne vont jamais, par exemple, leur envoyer les photos. Mmh. Fait que, tu sais, les gens prennent, quittent, puis ensuite, il y a comme un... Il n'y a ça pas d'échange. Disparition. Puis j'ai senti chez eux, la plupart d'entre eux, se faire un peu exploiter là-dedans, puis pas apprécier ça. Donc, moi, je suis encore en contact avec toutes les gens qui ont participé à mon projet. Mm-hmm. Puis j'espère pouvoir, ben, tu sais, ils suivent ce qui se passe sur les réseaux. On voit une partie du projet aller, mais c'est sûr, j'aimerais ça qu'ils voient le projet final dans leur ville. Ça serait génial. Ben oui, ben puis c'est très important aussi justement de communiquer le nom, parce que ce sont des artistes de la danse, le nom des personnes qui figurent dans tes vidéos justement, donc le danseur Jules Romain Djounouk et la danseuse Gamou Touré. Est-ce que j'ai massacré son nom? Un petit peu, Djounouk. Diounouk, ok, merci. Oui. Donc, on prononce pas le J. Merci de me reprendre, c'est très important aussi. Et bien sûr, de Yama, qui t'a transmis beaucoup de savoir lors de vos discussions et qui fera partie en voix de cette installation-là. Donc, oui. Merci beaucoup, Audrey Domers-Roberge, encore. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission, que ce soit en personne ou en Zoom. Donc, nous, on se laisse pour une pause publicitaire et au retour de la pause, on écoute Mathieu Bouchard se prononcer sur l'augmentation numérique dans l'exposition Turner et le sublime. Spatial, ici Mathieu M. Bouchard et je vous fais une seconde chronique sur Turner et le sublime. À l'occasion de son ouverture en février dernier, Myriam Leland avait déjà fait une chronique à l'émission au sujet de l'exposition, mais je voulais revenir sur mon appréciation, entre autres, des expériences multimédia qui sont rajoutées dans l'exposition. Mais avant de commencer, je voulais dire un mot sur le masque en exposition. Parce que là, bien sûr, c'est la pandémie, puis la pandémie fait son effet sur tout. Maintenant, l'expérience d'une visite au musée a été modifiée par la pandémie. On doit prendre rendez-vous. Le parcours de l'exposition est unidirectionnel et présenté par des flèches au sol. Donc, on doit suivre la file pour voir les œuvres une à une. Ce qui est quand même quelque chose d'assez agréable. Donc, on s'attarde sur des toiles que peut-être des fois, on ne se serait pas attardé parce que les gens en avant de nous sont en train de regarder la précédente. Donc, il faut attendre. Donc, des fois, on passe plus de temps devant une toile. Puis, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à faire, là, finalement. Puis, il y a le masque aussi qui... bizarrement, j'ai jamais vraiment apprécié le port du masque, même si je comprends complètement sa pertinence dans un contexte de pandémie. Mais pour une fois, je me suis surpris à aimer mon masque. Donc, parce que ça me procurait une espèce d'anonymat. Un anonymat qui faisait de moi seulement un corps qui se promenait pour voir, qui se promenait pour sentir les œuvres. Puis ça faisait quelque chose de un peu plus... intéressant selon moi, on n'est plus un être social qui se promène dans une salle d'exposition, on est seulement un récepteur d'œuvres, puis ça devient quelque chose d'intéressant, une expérience qui peut être augmentée par la pandémie à ce moment-là. L'exposition commence dans une salle sans lumière, une espèce de sas, d'une antichambre dont les murs sont peints d'une espèce de bleu marin très foncé. Qui absorbe toute lumière. Et personnellement, ça m'a fait penser à une scène du film Monsieur Turner, un film sur le peintre, où on voit Turner accueillir des gens, des potentiels acheteurs chez lui, et il fait une expérience avec les potentiels acheteurs, c'est qu'il les met dans une salle sans lumière et les expose pendant quelques minutes pour les habituer, pour faire en sorte que leurs pupilles s'agrandissent et soient à la recherche de lumière. Et après ça, il ouvre les rideaux et il les amène voir ses peintures. Puis ça fait vraiment penser à ça, l'exposition, vraiment le jeu entre la mise en scène et les œuvres. Il y a quelque chose, un jeu que déjà Turner, on peut croire, faisait à l'époque pour les spectateurs de ses œuvres. Parce que j'ai vraiment l'impression, je dis spectateur parce que j'ai vraiment l'impression que Turner était un peintre spectacle, un peintre qui était spectaculaire. On le voit dans le geste de son coup de pinceau, sa manière de travailler avec la couleur, ses choix de thèmes. Il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement, toujours grandiose dans son travail, qui est toujours du domaine, selon moi, du spectacle. Puis il y a quelques anecdotes qui sont décrites dans les cartels, entre autres, une qui parle que Turner, lors d'un vernissage de trois jours avant un salon, se présente avec des tableaux qui n'ont pas encore de couleur. Et puis, pendant ces trois jours-là, devant tous les autres peintres qui font leur vernissage, parce qu'il faut aussi parler que les vernissages, à ce moment-là, c'était quelque chose de très différent d'aujourd'hui. C'était pas un événement, une ouverture d'une exposition. C'était un moment où, effectivement, les peintres vernissaient leurs toiles. Mais lui, Turner, à ce moment-là, il dit « Non, je vais faire un spectacle et je vais montrer à tout le monde à quel point je suis un peintre fougueux et rapide et dans le geste et dans le moment. » Et pendant trois jours, il peint ses tableaux devant tout le monde. Il rajoute de la couleur. Il fait vivre ses tableaux devant tout le monde. Puis c'est quelque chose d'assez spectaculaire qui, juste cette histoire-là, selon moi, c'est suffisant pour animer l'exposition. Ce genre d'histoire-là fait activer notre imaginaire, puis on le voit commencer à travailler devant ses toiles de manière acharnée, de manière tempêteuse, parce que c'est aussi un de ses thèmes, la tempête, l'orage, la grandeur des forces de la nature, le sublime. Puis quand, après ça, on arrive avec des expériences multimédia, selon moi, on perd le focus un peu. Puis on oublie à quel point le vent qu'on entend quand on voit l'étoile de Turner, il est plus nuancé, plus subtil, plus intelligent que celui qu'on entend dans les espèces de présentations multimédia qui sont une espèce de son, de trame sonore de synthèse qui sont pas autant nuancées avec des images numérisées d'étoiles qui sont animées, mais c'est des toiles qui sont déjà animées par le coup de pinceau fougueux de Turner, par ses couleurs vivantes. Il n'y a rien de terne dans les toiles de Turner. Pourquoi on aurait besoin de les augmenter? C'est des toiles qui parlent d'orage, de tempête, d'accidents, de faits divers. Puis la Tate a considéré qu'il devait augmenter ça de manière numérique. Je crois pas que c'est nécessaire. Puis selon moi, en fait, ça nous éloigne de l'essentiel, ça nous éloigne des toiles. C'est une augmentation numérique superflue. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en ayant un autre œil, en ayant un œil plus introspectif envers les toiles. Pourquoi pas aller vers les informations, vers les récits du... On a à la fin de l'exposition des marines qui nous sont présentées, puis il y a la légende du fait que Turner se serait, vers la fin de sa vie, attaché à un mât de bateau pour vivre un orage en pleine mer au haut d'un mât de bateau. Puis seulement ça, c'est assez spectaculaire. Ça augmente notre perception d'étoiles. On se voit, nous aussi, dans l'orage en regardant l'étoile de Turner, seulement avec une histoire comme ça. Je pense pas que les augmentations numériques multimédia sont nécessaires à notre appréciation de l'exposition. Il y a une partie de l'exposition qui se déroule à Venise. On nous présente beaucoup de toiles où on voit des arlequins, d'autres démons, des gens costumés qui s'en vont vers le carnaval à Venise. Puis le soleil est prêt de se coucher, puis tout ce que Turner nous représente, c'est des gens qui s'en vont au carnaval et ne nous présentent pas le carnaval. Puis il réussit à nous faire voir l'excitation d'une fête à venir sans nous montrer cette fête-là. Puis des fois, c'est important de laisser ces nuances-là dans l'art. Puis c'est ce qui fait que l'art, souvent, est très fort. C'est pas dans ce qu'elle nous montre, c'est dans ce qu'elle nous montre pas. Et nous fait voir dans notre tête. Et je pense que des fois, l'univers multimédia, numérique, qui se veut augmenter les expos, a tendance à trop vouloir nous montrer des choses. Puis je pense que c'est pas nécessaire. Surtout quand on a l'œuvre d'un grand peintre comme Turner. Cela dit, l'exposition est fantastique, puis on peut facilement passer à côté, on peut contourner ces installations multimédia-là et avoir une expérience vraiment extraordinaire avec l'étoile de Turner. Présentement, le musée est fermé à cause du troisième confinement, mais dès que le confinement arrête, le musée devrait réouvrir et c'est primordial que vous réserviez pour aller voir l'exposition parce que c'est vraiment une grande exposition d'un grand peintre et je pense que ça vaut la peine, malgré la petite critique constructive que j'ai fait aujourd'hui. C'est une exposition vraiment très intéressante puis très belle, donc je vous invite à aller la voir dès que ce sera possible. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatial, magazine sur les arts visuels, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Vous écoutiez la pièce Color Fields, toujours de l'album House du groupe Bel Orchestre, un groupe montréalais. Donc, juste avant cette pièce, on entendait aussi Mathieu Bouchard parler de l'augmentation numérique de Turner. Et c'est déjà le moment de l'agenda de la semaine. On a deux petites choses à vous proposer cette semaine. Jean-Tiane, qu'a-t-on à proposer? Oui, tout à fait. Un agenda un peu mince, mais bon, on va y aller avec les événements virtuels cette semaine. Ce jeudi 15 avril à 16h, c'est le Centre d'artistes Art Prime qui nous invite à rencontrer Francis Chénier lors d'un Facebook Live dans le cadre de l'exposition « Comme des poussières, illuminées par le soleil ». Et vendredi va se tenir une journée d'études ayant pour titre « Éthique et poétique du care dans la littérature contemporaine ». Ça va avoir lieu de 9h à 17h sur la plateforme Zoom et c'est organisé par Figura, le centre de recherche sur le texte et l'image, donc un centre de recherche qui a été fondé là, à l'UQAM. Et il va y avoir plusieurs conférences, des tables rondes très, très inspirantes qui vont se dérouler tout au long de cette journée d'études. Donc, on vous invite à aller vous informer sur ce bel événement. Et si vous avez du temps vendredi, là, il y a beaucoup d'interventions qui semblent très, très intrigantes. Éthique et poétique du care dans la littérature contemporaine. Et puis, peut-être qu'un jour, on pourra en voir une sur les arts visuels, donc sur la poétique du care en arts visuels. Oui. C'est vraiment un sujet qui est très pertinent en ce moment, je trouve, surtout dans un contexte justement où on est confiné, où il n'y a pas énormément de lieux d'échange pour la création. Le care, c'est quelque chose d'assez important pour la création, que ce soit littéraire ou artistique. Là, c'est un sujet qui me touche aussi personnellement. C'est sûr que je vais y être. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec et en ligne. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Finalement, un grand merci à notre invité Audrey Demers-Roberge, ainsi qu'à notre chroniqueur de la semaine, Mathieu Bouchard, et un salut spécial hebdomadaire à notre Dumouchel de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a encore et toujours hâte de retrouver en studio un jour. Puis, on se laisse sur une dernière piste de l'album House du groupe montréalais Bel Orchestre, et on se dit à la semaine prochaine. Salut Myriam, à la semaine prochaine.